بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Donc on était arrivé à la page 14, si je ne me trompe pas. À la parole de l'auteur. À la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais, doux ou amer. Et donc nous devons croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, doux ou amer. Tout cela, Allah, notre Seigneur, l'a déterminé. Il détient entre ses mains la détermination de toutes choses et leurs origines dépendent de son décret. Tabaraka wa ta'ala. Et donc les gens de la Sunna, ils croient fermement au destin. Au fait que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété notre destinée avant de nous avoir créés. Et tout cela, on va le voir en détail, inshallah ta'ala. Dans As-Sahihayn, il y a le hadith très connu de Jibril. Le hadith de Jibril dans As-Sahihayn, dans lequel Jibril il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond: An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et donc la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc le destin fait partie de la croyance, la croyance musulmane, la base de la croyance musulmane. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans surat Al-Qamar, surat Al-Qamar, le verset numéro 49, « Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar » Certes, nous avons créé toute chose avec prédestination. Et donc toute chose a été créée avec prédestination. Allah a accordé, a déterminé la destinée de toute chose. Certes, le numéro, tu veux dire? Donc surat Al-Qamar, le verset numéro 49. Al-Qamar, la traduction, la lune. Il connaît toute chose. Donc l'auteur vient nous dire, rahimahullah, il connaît toute chose avant même qu'elle ne soit. Elle se produit en fonction de ce qu'il a déterminé. Donc tout ce qui arrive, Allah tabaraka wa ta'ala le connaît, il le sait. Avant même que cela n'arrive. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala connaît aussi ce qui ne doit pas arriver. Et que si cette chose devait arriver, alors comment elle serait? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses. Lorsqu'il a créé la plume, il a dit à la plume, Uktub, écris. Écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Tout ce qui va se passer, Allah tabaraka wa ta'ala le connaît. Mais Allah tabaraka wa ta'ala connaît aussi ce qui ne va pas arriver. Et que si cette chose devait arriver, alors comment elle aurait été? La preuve de cela dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Alors, sourate Al-An'am, le verset numéro 27. Sourate Al-An'am, le verset numéro 27. Et tu verras lorsqu'ils se tiendront devant le feu. Donc les gens, les incroyants, lorsqu'ils seront devant le feu. Et qu'ils diront, si seulement nous pouvions revenir, être renvoyés, donc être renvoyés sur terre. Et que nous ne traitions pas de mensonges, que nous ne traitions pas les signes de notre Seigneur de mensonges. Et donc si on nous renvoie sur terre, on ne va pas traiter les signes d'Allah de mensonges. Et on fera partie des croyants. Et nous ferons partie des croyants. Et donc ils vont demander à revenir sur terre. Parce qu'ils seront devant le feu, et que c'est le moment d'être châtié, alors ils demanderont à revenir sur terre, à être renvoyés. Et si on nous renvoie, alors là, on va croire au Coran, on va croire à Mohammed, et on fera partie des croyants. Alors, d'abord, la commentaire a dit dans le verset juste après, mais en réalité, il leur est apparu clairement ce qu'ils cachaient. Et si on les renvoyait, alors ils retourneraient à ce qui leur a été interdit. Et certes, ce ne sont que des menteurs. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, il nous montre que, premièrement, il ne va pas renvoyer les gens sur terre. Tu n'as qu'une vie. Une fois que ces gens-là se trouveront devant le feu et qu'ils voudront revenir, ça sera trop tard. Allah ne va pas les renvoyer sur terre. Mais il sait pertinemment que s'il les renvoie sur terre, alors ces gens-là ne vont pas croire de nouveau. Ils ne vont pas croire. Et donc il sait, Tabaraka wa Ta'ala, il connaît toutes choses, même ce qui ne va pas arriver, parce qu'il ne va pas les renvoyer. Et si cette chose devait arriver, comment elle serait? Alors, il le sait pertinemment, Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, Barakallahu fikoum, concernant le destin, parfois certains ont du mal, alors qu'en réalité, c'est un sujet qui est simple. C'est un sujet qui est très simple. Comme le disent les gens de science, le destin est un sujet simple. Mais ce sont les gens et les innovateurs qui l'ont rendu compliqué. Mais à la base, c'est un sujet qui est simple. Et donc, qu'est-ce que le destin? Premièrement, le premier degré du destin, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala connaisse toutes choses. Ça, c'est le premier point à savoir concernant le destin. Allah connaît toutes choses. Le deuxième degré du destin, l'écriture. Le fait que Allah ait écrit la destinée de toutes choses. Et donc, à partir de là, on commence à comprendre le destin. Lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala a écrit notre destinée, il ne nous a pas forcé. Il ne t'a pas forcé à venir à ce cours, à venir dans cette mosquée à cet instant. Mais il savait pertinemment que tu allais venir et donc il l'a écrit. C'est ça le destin. Et donc Allah nous a donné à tout un chacun le libre arbitre. Et pourtant, il a écrit notre prédestinée. Il ne nous a pas forcés, mais il sait pertinemment ce que nous allons faire. Et il l'a écrit. Une fois, je me demandais, quand j'étais à Villerue, je devais expliquer le sujet du destin à des enfants. Je me suis dit, comment je vais faire pour leur expliquer le destin? Comment on va faire ça? Alors, le jour du cours, on était dans une pièce avec les enfants. Et je suis allé dans une pièce, dans une autre pièce. Je les ai laissés, je suis allé dans une autre pièce. Cette pièce-là, elle était à l'étage. Je suis allé dans une autre pièce qui est au même étage. Et j'ai marqué sur le tableau dans l'autre pièce, j'ai marqué « Ils vont tous lever les mains ». Et je suis retourné, donc je leur ai expliqué le cours sur le destin, et je leur ai dit « Bon, maintenant, je vais vous donner un exemple. » Et là, j'ai sorti un billet de ma poche. J'ai dit « Qui aurait aimé que je lui donne ça ?» Ils ont levé la main. Il y en a un qui a hésité un petit peu, et après, il a levé la main. Et donc, ils ont tous levé la main. Alors, je leur ai dit « Venez avec moi. » On est allé dans l'autre pièce. Et je leur ai dit « Lisez ce qui est marqué sur le tableau. » Ils ont vu marqué « Ils vont tous lever la main. » Ils ont dit « Ah, ça c'est bon, ça c'est le destin. » Ils ont dit « C'est le destin, ça, on a compris. » J'ai dit « Et donc ça c'est juste entre des créatures. » C'est-à-dire moi je vous connais. Mais je ne suis pas le créateur, je ne connais pas tout. Pourtant j'ai écrit ça. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui connaît toutes choses, il nous connaît parfaitement, a écrit notre destinée. Il a écrit ce qu'il savait de nous en nous donnant le choix. Ensuite, je suis reparti et j'ai réécrit sur le tableau « Ils vont tous descendre en courant. » À la fin du cours, comme d'habitude, je leur ai dit « Attention, quand vous descendez, les enfants ne courez pas dans les escaliers. » Ils sont tous descendus en courant. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé le libre arbitre. Il a écrit notre prédestinée à tous. Mais malgré ça, cela n'empêche pas le fait que nous avons notre propre volonté. Nous ne sommes pas comme des feuilles de papier qui n'ont pas de volonté, que tu peux jeter à droite, à gauche, etc. Non, Allah nous a accordé le libre arbitre. À la page suivante, la page numéro 15, l'auteur qui dit « Aucune parole ou aucun acte ne provient de ses serviteurs sans qu'il ne l'ait décrété tabaraka wa ta'ala et qu'il ne soit au courant avant cela. » Et donc, nous ne pouvons prononcer aucune parole sans que Allah tabaraka wa ta'ala l'ait décrété. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant, le parfaitement connaisseur? Et donc, cette dernière phrase, en réalité, l'auteur, il se base pour cette dernière phrase du verset de Surat al-Mulk. Surat al-Mulk, je n'ai pas le numéro du verset, mais c'est la deuxième page. Deuxième page, alors on va regarder Inch'Allah ta'ala. Surat al-Mulk. 14. Naam. Le verset 14. Donc Surat al-Mulk, le verset 14. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. C'est exactement donc ce qu'a cité l'auteur la dernière phrase. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant, le parfaitement connaisseur? Et donc, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrété. Il est important de savoir que le décret d'Allah se divise en deux. Il y a deux formes de décret. La première forme de décret, on a le décret législatif, al-qada ou al-shar'i. القضاء الشرعي على page 15. Le décret législatif. Et donc c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré. C'est ce qu'il nous a ordonné. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Ça c'est le décret législatif. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya. Et ton Seigneur a décrété que vous n'allez adorer que lui. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui. Surat al-Isra, le verset numéro 23. Surat al-Isra, le verset numéro 23. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il a décrété que nous n'allons adorer que lui. Donc c'est ce qu'il nous a ordonné, d'adorer que lui, tabaraka wa ta'ala. Mais en réalité, ce décret, le décret législatif, il représente ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Le décret législatif représente ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. C'est pour cela qu'il nous ordonne de faire cela. Il nous ordonne de faire ce qu'il aime. Mais ce décret législatif, il se peut qu'il se produise, comme il se peut qu'il ne se produise pas. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya, et ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui. Parmi les serviteurs, on trouve qu'il y a des serviteurs qui n'adorent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va trouver des serviteurs polythéistes qui vont adorer Jésus, Marie, les saints, vaches ou autres créatures parmi les créatures d'Allah. Ils vont adorer le soleil, des statues ou autres. Et donc le décret législatif représente ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et ce décret peut se produire comme il peut ne pas se produire. Le deuxième décret, Al-Qada ul-Kawni, on a le décret universel. Le décret universel. Celui-là, il représente ce que Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas, les deux. Il se peut qu'Allah aime cette chose et qu'Allah ne l'aime pas. Mais par contre, ce décret s'applique inévitablement. Il s'applique de manière inévitable. Allah tabaraka wa ta'ala doit décrète que son serviteur meurt à tel instant, tel jour, tel moment, etc. Cela va s'appliquer de manière inévitable. Allah tabaraka wa ta'ala décrète que son serviteur soit éprouvé et souffre. Cela va s'appliquer de manière inévitable. Parce que cela n'est pas lié forcément à l'amour d'Allah. Il se peut qu'Allah aime cette chose et qu'Allah n'aime pas cette chose. Mais par contre, il le fait par sagesse de sa part, tabaraka wa ta'ala. Et donc cela, on le voit comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Lorsqu'il décrète quelque chose, alors il dit soit, et cette chose est. À partir du moment où il décrète quelque chose, il dit soit cette chose est. Alors on a par exemple dans Surat al-Baqarah, le verset 117. Surat al-Baqarah, le verset 117. Et donc ici on a les deux formes de décret. C'est important de ne pas se mélanger et de comprendre correctement les deux formes de décret. Le premier décret est donc le décret législatif. Ce que Allah aime, il nous a ordonné de le faire, Et ce décret, il se peut qu'il se produise, il se peut qu'il ne se produise pas. Le deuxième s'applique de manière inévitable. Mais par contre, il n'est pas forcément lié à ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, aime. Ensuite, l'auteur qui nous dit, de par sa justice, donc Allah, de par la justice d'Allah, il égare qui il veut en le laissant à lui-même. Et donc Allah, tabaraka wa ta'ala, égare qui il veut en le laissant à lui-même. Parce que c'est, et Allah, tabaraka wa ta'ala, ne fait injustice donc à personne. Il dit, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, le très savant Ibn Taymiyyah dit, Ahlus sunnati muttafiqoun ala anna غير الله تعالى لا يستطيع أن يجعل الضلال والهداية في قلب أحد. Les gens de la Sunna sont unanimes sur le fait que nul en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut placer l'égarement ou la guider dans le cœur de qui que ce soit. Personne n'a la capacité de faire cela. Personne. Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut. Et il égare qui il veut. Et ne fait injustice à personne. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala égare, Allah l'égare parce que cette personne a mérité l'égarement. Parce que cette personne a mérité l'égarement. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Lorsqu'ils ont dévié, alors Allah a fait dévier leur cœur. Et donc c'est d'abord eux qui ont donc commencé, c'est eux qui ont d'abord dévié et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a augmenté cette déviance. Parce qu'ils méritent cela. Et donc Allah guide qui il veut, et il égare qui il veut, et ne fait injustice à personne. Non. Vas-y. C'est vrai, sans rentrer dans des questions philosophiques et existentielles, parce que c'est les sujets que tu dois bien connaître, est-ce qu'il égare qui il veut de par le libre arbitre qu'il a donné à son serviteur? Il l'égare. Ici, l'auteur il a cité un point important. Ici donc, de par sa justice, donc avec justice, il ne fait injustice à personne, il égare qui il veut en le laissant à lui-même. En le laissant à lui-même. C'est-à-dire que cette personne, si tu veux être guidé, tu ne peux être guidé sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah ne t'aide pas, tu ne vas pas trouver la guidée. Il ne faut pas que tu penses que la guidée, tu peux la trouver tout seul. Au point de vue comportement, au point de vue de la raison. Donc comment, de par notre raison, on peut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait, il n'égare pas quelqu'un sans injustice. Alors, sachant que c'est lui qui nous a créé comme ça. C'est lui qui nous a fait comme ça. Sauf que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, Huwa alladhi ansha'akum. Il est celui qui vous a créé. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata. Il vous a accordé donc l'ouïe, la capacité d'écouter. La vue, la capacité de voir, les cœurs afin de comprendre. Et donc il nous a donné à tous, malgré nos différences de caractère, on va avoir ici des gens qui sont calmes, des gens qui sont nerveux, des gens qui... On va tous avoir nos qualités, des défauts, mais nous avons tous, Nous avons tous cette capacité de voir, d'entendre l'épreuve, donc de voir l'épreuve, les signes d'Allah, d'entendre l'épreuve, les signes d'Allah, et de comprendre tout cela avec nos cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Comment nous devons être reconnaissants? Utiliser ces éléments qu'Allah nous a accordés pour comprendre la vérité, afin de réellement comprendre la vérité. Sauf que certaines personnes ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils vont voir la preuve devant eux 1000 fois. Ils ne veulent pas. Et donc, ces personnes-là vont... Donc, Allah tabaraka wa ta'ala va se détourner d'eux. Et va les délaisser. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que le fait que nous soyons ici et le fait que nous soyons musulmans, que cela vient de notre intelligence, de notre force, de ci et de ça. Non, c'est parce que c'est Allah qui nous a guidés. C'est Allah qui nous a guidés. Je l'ai déjà cité, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des gens du paradis. Lorsqu'on leur dira « Voici le paradis !» Quelle est leur réponse? Qu'est-ce qu'ils diront? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. Et ils diront, toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Et nous n'aurions pas pu nous guider nous-mêmes si lui ne nous avait pas guidés. Et donc nous devons admettre que si nous voulons la guider, nous devons la demander à Allah. C'est Allah qui accorde la guider. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui accorde la guider. Moi-même, personnellement, on m'a montré l'épreuve, on m'a montré l'islam plein de fois. Pendant des années et des années et des années, on m'a prêché. Il ne fallait rien me dire, je n'acceptais rien du tout. Jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ouvre mon cœur, me guide et fasse que j'accepte cette vérité qui est l'islam. S'il n'avait pas ouvert mon cœur, je serais resté dans mes créances. D'accord? Et donc, il est important qu'on comprenne que Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut avec justice. Celui qui est guidé, c'est qu'il a mérité la guider. Et celui qui dévie, celui qui est égaré, c'est qu'il a mérité cet égarement. Et l'auteur, il nous précise ici, Allah l'égare en le laissant à lui-même. En le laissant à lui-même. J'ai une question. Dis-moi. Oui. Parce que parfois, il est obligé de par sa justice. Oui. Il égare. Oui. Et de par sa grâce, il guide. Oui. Oui. Dis-moi. Donc, là, de par sa justice, il égare. Oui, parce qu'il est juste. Il est juste. Il ne fait pas injustice. Voilà. Sa grâce, il guide. Et de sa grâce, il guide. Non, il n'y a pas de problème ici. C'est très bien. Ah, c'est marqué de par sa grâce. De par sa grâce. Ah, mashallah. Et en fait, la guider, soit la guide la justice et de l'égarement. Et la grâce avec la... Mais dans tous les cas, la guider aussi, c'est avec la justice. Hein. Mais ici, l'auteur, il te précise cela. Afin que tu comprennes bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas injustice à la personne qui l'égare. D'accord? Parce que Allah il te dit lui-même, وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur ne fait injustice à personne. Il ne fait injustice à personne, tabaraka wa ta'ala. Et il dit tabaraka wa ta'ala, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Il y a une maladie dans leur cœur, alors Allah a augmenté la maladie. Donc essentiellement, l'égarement que Allah nous a entendu, c'est essentiellement une punition pour l'égarement. Masha'Allah, barakallah. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, l'égarement est une punition par rapport au premier égarement. Le péché est la punition du péché. C'est pour ça que les savants te disent que lorsque tu pèches, il faut savoir que les péchés ont des frères et sœurs. Le péché ne vient pas tout seul. Tu vas pécher, la punition du péché, c'est le péché qui vient après. Effet boule de neige. Et ça continue. Il faut absolument que tu mettes un stop Parce que sinon, ça grossit, les péchés vont grossir, ils vont grossir, ils vont grossir, jusqu'à ce que ça devienne trop grave. Donc dans Surat Al-An'am, le verset numéro 110, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit « وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ » Et nous retournons leur cœur, ou du moins, excusez-moi, nous retournons leur cœur ainsi que leur clairvoyance. Nous la retournons. Allah va tourner nos cœurs. Il change nos cœurs ainsi que notre clairvoyance. La personne, elle avait une capacité de comprendre. Ensuite, elle n'a plus cette capacité, etc. Et donc, il dit, nous retournons leur cœur et leur clairvoyance de la même façon qu'ils n'y ont pas cru la première fois. Les savants du tafsir, ils nous disent ici, et donc cette personne, la première fois que la vérité lui est venue, elle n'y a pas cru. La sanction de cela est que Allah tabaraka wa ta'ala va retourner son cœur, ainsi que sa clairvoyance. Et cette personne n'y croira pas à cette vérité par la suite. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète que cette personne mérite donc la guider. Mais cette personne, à la base, elle a rejeté la vérité. La sanction, plus de clairvoyance. C'est quoi exactement la fin de la phrase du verset ? La fin du verset. De la même façon qu'ils n'y ont pas cru la première fois. De la même façon qu'ils n'y ont pas cru la première fois. Voyez, mais donc Allah tabaraka wa ta'ala, oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'une personne née dans une famille musulmane est égarée dès le départ? Alors, dès le départ, non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la question ici. Le frère, il demande, est-ce qu'on peut considérer qu'une personne qui est née dans une famille non musulmane est égarée dès le départ? Dès le départ, non. Mais par la suite, oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Kullu bani Adam yuladu ala al-fitra. » Tous les enfants d'Adam, ils naissent sur la fitra, la base de la création, la bonne guidée, l'islam, la voie authentique. Donc la personne qui naît, donc, si elle n'est pas influencée par des déviances, elle va adorer Allah seul. Elle ne va pas adorer de polité, de divinité, de statue, etc., etc. Elle va adorer celui qui l'a créé. Mais le prophète, il nous dit cependant, ses deux parents, ce sont eux qui vont l'appeler au christianisme, au yahoudisme, à la religion juive, au judaïsme, excusez-moi. Donc au christianisme, au judaïsme, ou autre. Et donc c'est ses parents qui vont avoir une influence sur l'enfant. Mais à la base, cet enfant est né avec la voie de vérité, l'islam, la base de l'islam, le fait d'accorder à Allah un culte exclusif. D'accord ? Donc les déviances vont être liées aussi à l'environnement. Mais chacun, Allah a donné la capacité à chacun de comprendre la vérité malgré l'environnement qu'il y a autour de lui. S'il cherche la vérité, s'il veut réellement la vérité. Et donc on continue. Donc l'auteur qui dit après cela, donc il sera facilité à chacun ce qui a été décrété auparavant par sa science et son destin, comme le fait qu'il soit heureux ou malheureux. Et donc, il sera facilité à chacun l'accomplissement des œuvres des gens du bonheur ou l'accomplissement des œuvres des gens du malheur en fonction de ce qui a été décrété pour chacun. En fonction de ce qui a été décrété pour chacun. Et ce sujet aussi est un sujet important, nous devons bien le comprendre. Car cela ne contredit pas le fait que nous devons chercher à faire de bonnes œuvres. Cela ne contredit pas le fait que nous devons chercher à faire de bonnes œuvres. Pourquoi ? Premièrement, parce que le paradis La cause pour rentrer au paradis est l'accomplissement des bonnes œuvres. Toi, aujourd'hui, tu ne sais pas. Est-ce que tu fais partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer ? Tu ne sais pas. Cela a été déjà décrété. Que tu fasses partie des gens du paradis ou de l'enfer, ça a déjà été décrété. Mais toi, tu ne sais pas. Alors, ne reste pas là à dire, bon, vu que de toute façon, ça a déjà été décrété, allez, je ne fais rien. Et qu'il arrive, qu'il advienne ce qui devait arriver. Non, œuvre. Tu ne sais pas dans tous les cas, alors œuvre. Et d'ailleurs, donc, Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit « وَنُودُ أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةِ » Et donc, on les appellera en leur disant « Voilà le paradis. أُورِثْتُمُوهَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » Vous l'avez hérité, et donc vous avez gagné ce paradis par les causes de ce que vous avez accompli. Et donc, l'entrée au paradis est liée aux œuvres que nous accomplissons. Et d'ailleurs, dans Al-Sahihayn, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé, Ya Rasulallah, A'ulima ahlul jannati min ahlin nar. Ô messager d'Allah, est-ce que les gens du paradis sont connus et distincts des gens de l'enfer, des gens du feu? Et donc, est-ce qu'ils sont déjà connus, les gens du paradis? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, na'am, oui. Alors, le compagnon a dit, fais fi mal amel. Alors, pourquoi aller œuvrer? Si les gens du paradis et les gens de l'enfer sont déjà connus, pourquoi œuvrer? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, i'amelu, fais kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Il a dit, œuvrer. Car il sera facilité à chacun ce pourquoi il a été créé. Si tu as été créé pour l'enfer, ce sont les œuvres des gens de l'enfer qui te seront facilitées. Et si tu as été créé pour le paradis, alors ce sont les œuvres des gens du paradis qui te seront facilitées. Et tout cela par la grâce et la justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voyez ? Et donc le destin, le sujet du destin n'implique pas que tu délaisses les œuvres, car tu ne connais pas ta destinée. Tu ne peux pas te baser sur une destinée que tu ne connais pas pour délaisser les œuvres. Tu ne connais pas ta destinée. Alors œuvre. Alors œuvre. Et le sujet du destin, barakallahu fikoum les frères, c'est un sujet qui, en réalité, apaise le croyant dans la difficulté. Lorsque tu vois tes épreuves de tous les jours, les difficultés qu'il y a par rapport aux créatures d'Allah qui peuvent te faire du mal, qui peuvent te faire du tort, des injustices, etc. Alors tu te rappelles que tout cela avait été écrit et que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété cela car rien ne se produit sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc si cela t'est arrivé, c'est que Allah a décrété que cela devait arriver. Et celui qui a décrété que cela devait arriver est celui qui ne veut pas ton mal. Au contraire, il veut ton bien. Alors tu patientes, tu endures. Tu endures. En espérant la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va faire une courte pause et on reprend tout à l'heure. إن شاء الله تعالى وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا